Wisborg, 12 avril 1838. Enfin, je suis chez moi. Je vais mieux. Je sens que dans quelques jours, j'irai tout à fait bien. J'ai embrassé ma chère Hélène. Elle est bien pâle et de plus en plus nerveuse, mais qu'importe, elle est là, je suis là. Tous ceux que j'aime sont autour de moi. L'effroyable cauchemar est terminé. Aurais-je le courage de le raconter? Essayons. C'était pendant la nuit qui suivit la bizarre conversation que j'ai rapportée avec le comte Orlok. Je m'étais mis au lit vers 11 heures et ses propos sans doute me tenaient en éveil, car malgré tous mes efforts, je ne pouvais parvenir à m'endormir. Dans l'étrange silence de ce château, le moindre bruit résonnait comme prolongé par 20 échos. Minuit sonnèrent. Alors je vis entrer le comte plus pâle que jamais, plus long, plus cadavérique que je ne l'avais jamais vu. Il s'avança vers moi d'un pas d'automate, s'assit sur mon lit et, sans mot dire, avançant vers ma gorge, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois, ses mains menaçantes, il me serra le cou entre ses ongles coupants et m'étouffa. Je perdis la notion de tout. Je ne pouvais pas crier, mais ce n'était rien. Ce qui mit le comble à l'horreur, c'est que Orlok se pencha sur moi, appliqua ses lèvres aux plaies que venaient de creuser ses ongles et qu'il but mon sang. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui se passa jusqu'au jour. J'entends seulement sa voix grinçant. Je suis Nosferatu, le vampire. Je voulais fuir. Mais j'étais tellement épuisé. Je ne sais comment j'ai trouvé la force de mettre mes vêtements, de m'habiller, d'emporter mon bagage. Comment j'ai eu la présence d'esprit de ne pas oublier ce cahier? Comment j'ai pu gagner le parc? L'air du matin m'a redonné des forces sans doute. Il n'y avait personne pour m'empêcher de sortir et j'ai même eu la curiosité de me mettre à la recherche de Nosferatu. Je voulais le tuer. Oh oui, avoir ma vengeance, assouvir ma haine, étrangler à mon tour cet étrangleur. En vain, ai-je parcouru toutes les pièces du château. Je n'ai rien vu. Ni lui, ni un serviteur. Mais en passant devant une chapelle en ruine, j'ai cru deviner que là, sous les dalles, il était couché dans un cercueil. Non, non, ceci n'est pas un rêve. Nosferatu le vampire, le comte Orlok, était étendu entre 4 planches comme un mort et il n'était pas mort. Il bougeait. Quand il entendit mon pas, il fit un effort pour se lever. Il était repu de mon sang. Je tremblais. Je me mis à claquer des dents. J'ai oublié ma vengeance, j'ai fui. J'ai couru, droit devant moi. Je ne me souviens plus de rien, ni de la route que j'ai prise, ni du temps que j'ai mis. Je ne sais pas si je suis arrivé à Rusbach à la nuit, ou au petit jour. Je sais seulement que pendant des nuits et des nuits, que pendant des journées et des journées, j'ai eu devant les yeux le crâne dénudé d'Orlok, et sur le corps, la sensation que ses ongles me labouraient comme des griffes. Rien ne peut donner une idée de ses souffrances, de ses tortures physiques et morales. Il faut cette constitution robuste que j'ai pour avoir pu résister à ces tourments de la chair et de l'âme. Je remercie Dieu de m'avoir arraché au démon, car ce Nosferatu est le démon. J'ai été voir Knock. Il était au courant de ce qui m'était arrivé par les paysans, m'a-t-il dit, de Rusbach, qui lui ont donné de mes nouvelles. Il en avait fait porter à ma femme et lui avait dit qu'elle ne s'inquiéta pas, si elle ne recevait pas de lettres de moi, que j'étais dans un endroit où il ne passait jamais un courrier. Il lui avait promis de la tenir au courant de mon état de santé sur lequel il ne lui a naturellement jamais dit la vérité. Knock est un étrange individu lui aussi. Il me paraît tenir des propos semblables à ceux d'Orlok et quand je lui ai parlé du terrible conte, il s'est contenté de sourire et de conclure. C'est un des maîtres du monde. Ignoble maître, à la vérité. Quant à ce qui s'est passé chez moi, c'est encore plus extraordinaire. Naturellement, malgré les assurances de Knock, ma femme était dans une grande angoisse. Mon beau-frère et ma belle-sœur ont eu toutes les peines du monde à la calmer. Même le lendemain de mon départ. Pour comble de malheur, elle a eu un cauchemar dans la nuit même où Nosferatu a pénétré chez moi, et d'après ce que m'a raconté mon beau-frère, ce cauchemar dont elle leur avait fait le récit correspond en tout point à ce qui m'est arrivé. Coïncidence au moins troublante. Il est vrai qu'avec les gens nerveux, de pareilles choses se produisent souvent. J'ai fait venir Belleware pour Hélène et pour moi. Il m'a trouvé bien déprimé, mais en meilleur état que ma pauvre bien-aimée. Elle est de plus en plus agitée. Elle a l'appréhension d'un événement tragique. J'ai beau l'interroger de toutes les manières, elle ne m'a rien dit qui puisse me donner une idée de ses craintes. Quant à moi, je veux essayer d'oublier tout cela, il le faut absolument. Il faut que je laisse loin derrière moi ces jours atroces, que je n'y pense plus. Le printemps va m'y aider. Voilà que des neiges tombent sur les Carpates. Voici que les arbres bourgeonnent. Dans quelques semaines, dans quelques jours, peut-être, il y aura des fleurs aux arbres, et dans les jardins viendront les premiers lilas. Ah, respirer les parfums des fleurs. Pouvoir flâner dans les rues de Visborg. Regarder les gens vivre, et se dire que l'on a été si près de mourir et dans quelles affreuses conditions. Voilà qui redonne du goût à l'existence. Ma chère Hélène, tu viendras avec moi.